T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie, votre rendez-vous mensuel avec la musique indépendante, avec la musique alternative. Et puis, pas qu'avec ça, puisque, comme vous le savez, eh bien, on va faire un tour dans le monde de la culture en général, voir les manifestations d'importance ou moins d'importance, mais qui en valent la peine. Et puis, on va aussi du côté du monde merveilleux et fabuleux de la bande dessinée, on aura la bande dessinée du mois à vous proposer tout à l'heure. Ce sera plutôt dans la deuxième moitié d'émission. Restez donc bien avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Au niveau de la programmation musicale, on aura pas mal de nouveautés et puis des revenants. On écoutera le nouveau morceau de Thrift Bakery, nous l'aurons envoyé en priorité. On écoutera Skittish, on écoutera All Mother, les Suédois, Randy Vezina et bien d'autres. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite cet épisode numéro 444, si je ne m'abuse, si j'ai bien compté. C'est bien cela, on est au 444e épisode de Planet Indie avec Michael Ward with Dogs and Fishes. Il nous interprète son dernier single en date qui s'appelle Highway 61. We'll be right back. Watch me go, show your teeth. Meet me in the belly of the beast. What I found, well, you can't have it. I won't give it back this time. I'm no ordinary rabbit. Watch me go, take back what's mine. This earth won't just spin forever. It won't stop if you comply. Now or never, worse or better. Take much if you just try. Let's get low, time to feast. Meet me in the belly of the beast. Watch me go, show your teeth. Meet me in the belly of the beast. Let's get low, time to feast. Meet me in the belly of the beast. Watch me go, show your teeth. Meet me in the belly of the beast. This means more than you and I. What's the point if there's no traction? It'll only do or die. You can be a superhero. You can save the planet too. Consequences come with hunger before we become the food. Let's get low, time to feast. Meet me in the belly of the beast. Watch me go, show your teeth. Meet me in the belly of the beast. Let's get low, time to feast. Meet me in the belly of the beast. Watch me go, show your teeth. Meet me in the belly of the beast. It's really simple if you dare. Before supply becomes demand. It's getting hotter every day. And you just buy more stock in sunblock instead of joining the parade. Let's get low, time to feast. Meet me in the belly of the beast. Watch me go, show your teeth. Meet me in the belly of the beast. Let's get low, time to feast. Meet me in the belly of the beast. Watch me go, show your teeth. Meet me in the belly of the beast. Let's get low, time to feast. Meet me in the belly of the beast. Watch me go, show your teeth. Meet me in the belly of the beast. Voilà, c'était le groupe Lady Psychiatrist Booth. Ils nous interprétaient Belly of the Beast. Alors, au niveau de la voix, par moment, j'avais l'impression d'entendre Arda. Arda, cette chanteuse chypriote. Mais non, c'est pas elle, évidemment. Puisque Lady Psychiatrist Booth, on va faire une petite connexion avec ce qu'on a eu l'occasion d'entendre il y a un certain temps. C'est simplement les filles du groupe Whiter World. Whiter World, je pense qu'on les avait eues comme powerplay. Ça devait être l'année dernière, je pense, à savoir Ashley Norton, Stephanie Groth et Laura Hall, Lady Psychiatrist's Booth, et c'était leur morceau, Belly of the Beast. Bah écoutez, j'espère que vous aimez la programmation de ce 444e épisode de Planète Indie. N'hésitez pas de toute façon à nous le faire savoir, vous pouvez nous contacter via les canaux habituels, hein. On a notre site internet www.ilovemusic.gq. On a aussi un groupe sur Facebook et une page sur Facebook, et ainsi que depuis peu un compte un compte Twitter, voilà, Planète Indie, simplement dans tous les cas, et puis vous nous retrouverez. Allez, on ira d'ici quelques minutes voir la programmation chez notre partenaire de la Rocale. Avant cela, eh bien, je vous propose d'écouter Dispel avec le morceau Temptation, sous-titré The Last Trial. The breath of life. Voilà donc le groupe Dispel avec Temptation. C'était un peu un souvenir parce que ça date d'il y a quelques années. Bah, il n'y a pas de raison non plus de ne pas aller de temps en temps dans les souvenirs. Je vous annonçais la programmation de la Rocale, ça va être assez chaud en ce mois de juillet puisque demain dimanche il y aura même deux concerts. Il y aura tout d'abord Sean Paul dans la grande salle et puis dans la petite salle au club ce sera Marcus King. Le mercredi 6 juillet, donc mercredi prochain, sera John Legend. Ensuite, vous aurez l'occasion de voir le samedi 9 juillet le Screaming Field Festival. Et puis, si vous n'êtes pas encore assez rassasié dans le cadre du Open Air Belval, les Killers, ce sera donc dimanche 10 juin. Juanes le 11, Jesse J le 12. Ensuite, la musique latino de Ozuna, ce sera le jeudi 14. Alicia Keys viendra le vendredi 15. Et puis après, pour ceux qui veulent du truc qui dépote, il y aura deux soirées métal, oui, le samedi 16 avec Blind Guardian. Et le samedi 23, le Metal Battle. Ensuite, 29 juillet, Descend. Et puis, c'est à peu près tout pour ce mois de juillet. On annonce aussi la venue, par exemple, de Toto le 23 août. Voilà, comme ça, vous savez tout pour les concerts de la Rocale. Bah, pour plus d'infos et pour acheter vos tickets, vous allez sur www.rocale.lu. Nous, on continue en musique. Et avant de partir à la découverte de notre powerplay de ce soir, enfin de cette fin d'après-midi, on va encore écouter Dissonance avec le morceau Everlast. Dissonance, c'est le groupe de Kate Hall. Allez, c'est parti, on l'écoute. Surround it and then pray that this will last. Can you Voilà, on parlait des soirées qui dépotent ou qui allaient dépoter bientôt à la Rocale. Bah, ceci, c'est aussi pas mal dans le style Everlast par le groupe Dissonance. Allez, il est 17h21. Eh bien, je vous propose de partir à la découverte de notre album Powerplay. Et le Powerplay de ce jour nous emmène donc du côté de Nashville. Pourquoi Nashville ? Parce que c'est là où il a été enregistré. Mais aussi du côté de Santa Cruz en Californie, car c'est là que vit Brock Davis, l'artiste mis à l'honneur pendant cette émission. Au départ, eh bien, Brock est canadien, il est né et a grandi dans une petite ville dans les environs de Vancouver. Il a commencé sa carrière professionnelle dans le milieu de la musique déjà, à peine sorti de l'adolescence. Ça a duré plusieurs années et ensuite il s'est quelque peu distancié de ce milieu musical suite à son mariage et à la naissance de ses enfants. Sans qu'on sache très bien pourquoi ou sans qu'on sache très bien comment les choses se sont passées, on le retrouve ensuite de manière très surprenante comme CEO d'une start-up de la Silicon Valley. Sa vie fonçait donc à du 100 à l'heure et c'est probablement ça qui a eu raison, en tout cas ça y a contribué, qui a eu raison de son mariage. L'histoire ne le dit pas, mais bon, on suppose. Du coup, eh bien, le voici de retour dans le milieu avec un nouvel album, A Song Waiting to be Sung, en français, une chanson en attente d'être chantée. Cet album, comme on le disait donc en début de chapitre, a donc été enregistré à Nashville dans le studio Ronnie's Place, un endroit historique qui a en son temps appartenu à Roy Orbison et ensuite à Ronnie Millsap, d'où évidemment son nom actuel. Allez, voilà donc pour ce premier chapitre. On va le clôturer avec un premier extrait musical. Le morceau Can't Get Close Enough to You, l'un des morceaux de l'album qui se rapproche le plus du rock, avec l'une des choristes qui prend de plus en plus de place au fil du morceau. Une mélodie dans laquelle on retrouve du Tom Petty, du Jackson Brown, voire du Bruce Springsteen. Voilà, à vous de vous faire votre propre idée. On écoute donc Can't Get Close Enough to You par Brock Davis. Je vous redis le nom de l'album. A Song Waiting to be Sung, une chanson qui n'attendait qu'à être chantée. C'est notre powerplay dans cette émission numéro 444 de Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Spinning, no relief from the heat. Wind in the trees says thunderstorm are coming. I brush your skin, electricity. As I reach for you, I want you more than ever. Wanna make you come undone. Moving in the darkness, nothing in between us. As we merge into one, feel the pull, there's no holding back. Opposites attract. I can't get close enough to you. Close enough to you. là jusqu'au bout. C'est notre power play aujourd'hui dans Planet Indie. Brock Davis, Can't Get Close Enough to You. Et puis en parlant de power play, bien je vous propose de retourner sur celui du mois dernier, hein, Just Another Honky Tonk in a Quiet Western Town par Surrender Hill, et on va écouter le morceau Heart of Texas. Still remember the smell of the air, feel it on my skin, that Texas dirt coming loose of the saddle in the old corral, trying to teach a pony what he don't know how. And I'd slap the dust right off my chaps, screw my head back into my hat, get back on that pony and ride. Like freedom lives in the heart of Texas. Like freedom lives in the heart of Texas. Like in the heart of Texas, freedom lives. From the morning eggs to the steak at night, the in-between felt just right. Running cattle at 100 degrees, the winter mornings I'd greet the freeze. And wrap my neck in a cowboy rag and screw my head back into my hat, get back on that pony and ride. Like freedom lives in the heart of Texas. Like freedom lives in the heart of Texas. Like in the heart of Texas, freedom lives. Watch that cedar campfire glow and sing up every song we know. Freedom lives in the heart of Texas. Freedom lives in the heart of Texas. Freedom lives in the heart of Texas. Like in the heart of Texas, freedom lives in me. Texas dirt coming loose of the saddle in the old corral, trying to teach a pony what he don't know how. Hi, I'm Johnny Berbisher, and you're listening to Planet Indie. Hello, it's Derek from Social Science, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Matt from the band Yuka, and you are listening to Planet Indie. Through a hole in the roof. seven score. You can't be rich and live in the country. No one stops here anymore. Ça s'appelle Cakewalk, non pas Catwalk, but Cakewalk, la marche du cake. C'est le nouveau morceau de Thrift Bakery, groupe bien qui aime bien Planète Indie, puisqu'ils nous ont envoyé ce morceau en primeur avant tout le monde pour qu'on soit sûr d'être le premier, ou en tout cas les premiers, à le diffuser. En tout cas, j'espère que vous appréciez la programmation musicale, on va dire, de cette première moitié d'émission. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous via notre page ou notre groupe Facebook. D'ailleurs, dans notre groupe Facebook, il y a pas mal d'artistes qui sont diffusés dans cette émission et qui sont membres du groupe. Donc, si vous voulez entrer aussi en contact avec ces artistes, c'est peut-être le moyen le plus simple pour le faire. Et puis, vous retrouverez bien entendu sur notre site internet la playlist et toutes les playlists des 444 émissions jusqu'à présent. Donc, vous pouvez vraiment retrouver toutes nos archives. Elles sont en accès libre. Bien entendu, le site internet, c'est www.ilovemusic.gq. www.ilovemusic.gq. Vous tapez simplement Planète Indie sur Google et il vous amènera directement jusque chez nous. Au niveau des concerts, on va aller sur la programmation de la Culture Fabrique. Là, c'est très simple. Il y a trois concerts prévu pour ce mois de juillet. Ça commence mardi à 20h avec de la musique noise post-metal All Man Gloom, avec en première partie les Dead Neanderthals et Stromore. Donc, il va falloir des bouchons d'oreilles. Ensuite, on arrive directement au mercredi 20 juillet à 20h du post-punk voire garage rock avec les femmes de Diva Heaven, avec en première partie Hathors. Et enfin, on clôture la programmation du mois de juillet avec le dimanche 24 et à nouveau du punk rock et le groupe Anti-Flag. Et ils seront accompagnés en première partie de Small State. Voilà, comme ça, on a été complet pour ce qui est de la Culture Fabrique. Et je vous donne aussi leur site internet www.culturefabrique.fr. Et vous pouvez là aussi évidemment avoir toutes les informations pratiques et réserver vos tickets. D'ici quelques minutes, retour donc sur notre album Powerplay, celui de Brock Davis. Avant cela, on va encore écouter Felix City avec Vanilla et puis les Suédois de All Mother et Celeste. and I want to kiss on your lips all night long. I miss you. You'll be here from morning till nightfall, making me feel lovesick, and I'm acting fool. C'était les Suédois de All Mother qu'on écoutait à l'instant avec le morceau Céleste et avant cela Felicity et un morceau intitulé quant à lui Vanilla. Allez, il est l'heure de retourner sur notre album Powerplay. Retourne donc dans le grand livre de Brock Davis avec son album A Song Waiting to Be Sung. Brock a été inspiré dès son plus jeune âge par Bruce Springsteen, notamment après l'avoir vu avec son groupe le E Street Band dans une émission en direct à la télévision alors qu'il avait à peine 15 ans. Il a ceci en commun avec le boss, c'est bien que ses chansons montre un sens aigu d'optimisme romantique. Peu importe à quelle profondeur dans la noirceur eh bien, elles peuvent aller, il y a toujours quelque part un petit rayon de lumière et d'espoir. Classique chez les classiques, eh bien, les chansons de Brock Davis trouvent pour la plupart leur origine dans ses expériences et les événements qu'il a vécu personnellement. Le point positif ici, eh bien, c'est que Davis se base sur les événements tragiques de son passé. On pense ici, sans savoir précisément ce que cela recouvre, c'est ce qui est écrit dans sa bio officielle, un traumatisme subi dans sa jeunesse. Bon, on peut imaginer ce qu'on veut, ce que ça peut représenter. Un mariage quelque peu catastrophique, ainsi qu'un divorce qui s'en est suivi. Au stress lié à sa vie professionnelle, comme on l'a dit tout à l'heure, à la tête d'une start-up de haute technologie. Bref, Brock se base sur ses traumatismes et en fait des chansons qui parlent de renaissance, d'espoir et d'amour, renaissance sur les cendres de la souffrance et de la perte. Renaissance, deuxième chance, amour, espoir et pardon sont donc les maîtres mots de cet album. Eh bien, je vous en propose une nouvelle illustration avec un second extrait qui s'intitule Any Lie. On peut déjà voir où se situent les sources d'inspiration rien qu'en lisant le titre de cette chanson. Any Lie, donc, par Brock Davis, extrait de notre Powerplay. A Song Waiting to Be Sung. Powerplay. Day is spent, take out again. We eat in silence with the TV on. We go to bed, I hear your steady breath. I wanna hold you, you're already halfway gone. And I'd do anything to keep you. What will it take for you to stay? Tell me now what I have to do. And tell me what you need, and I'll tell you. Any lie, any lie you wanna hear. When we first met, I couldn't get why someone like you would want someone like me. Wore my disguise of confidence, and I hid the truth where I hoped you couldn't see. And I'd do anything to keep you. Any lie you wanna hear, I'll say them all to make it true. What will it take for you to stay? Any lie you wanna hear. want me to say? Should I drop to my knees and pray? What do you want me to do if I don't think about me and it's all about you? I think you should take me on vacation with you so I can chaperone you wherever you wanna go. I won't charge much 'cause I'll be on vacation myself, and you can come with me if I only go with you. And I will take you home whenever you get through. It's my no disastrous policy if I can trust you. Yeah. I'll travel the whole wide world with you, my beautiful sexy girl. I'll do what you want me to do, get you back in time to. Yeah, I think you should take me on vacation. I'm a chaperone wherever you want to go. Take me home and set me free. It's my no disasters policy, and you can trust me. Take me on vacation. Une chanson qui parle de vacances, puisqu'il dit souvent « Take me on vacation », Razel X Kendrick, mais sa chanson ne s'intitule pas « Vacation », elle s'intitule « Chaperone ». Et alors, si vous partez en vacances, eh bien, du côté de l'Alsace, je vous rappelle ces deux expositions qui se tiennent à Molsheim, autour de l'œuvre de Jacques Martin et de l'univers de Lefranc. Guy Lefranc, retour aux sources donc avec son créateur 70 ans après l'apparition de l'épisode fondateur de La Grande Menace. Donc depuis le 18 mai, et c'est une exposition qui se tiendra jusqu'au 18 septembre, eh bien, le musée de la Chartreuse à Molsheim accueille l'exposition Jacques Martin, 70 ans de passion automobile avec Lefranc. Et puis alors une autre exposition qui va bientôt ouvrir, elle ouvrira donc ses portes le 5 juillet, donc ce sera mardi, si je ne m'abuse, on est le 2, 3, 4, oui, ça devait être mardi prochain. Donc du 5 juillet au 18 septembre aussi, l'hôtel de la Monnaie de Molsheim eh bien, présentera pour sa part l'exposition « Les passions de Jacques Martin ». Et puis tant qu'on y est avec Jacques Martin, eh bien, il y a un nouvel album qui est paru, le 33e opus de la série « Le scandale Arès » de Roger Seiter et Régric, eh bien, basé sur un synopsis inédit de Jacques Martin. Voilà pour l'histoire de Jacques Martin. En ce qui concerne la BD, eh bien, nous irons d'ici quelques minutes sur notre BD, enfin découvrir notre BD du mois. Avant cela, eh bien, je vous propose d'écouter encore de la musique. On va écouter Skittish avec House on Fire, et tout de suite après donc, on ira découvrir la BD du mois, je vous en dis pas plus. Rendez-vous dans quelques minutes. I believe it's gonna be a good year. Voilà, un morceau qu'on aime beaucoup, Skittish avec House on Fire. Il est donc l'heure de partir à la découverte, non plus de notre powerplay, mais de notre BD du mois. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi de vous présenter un livre au titre un peu spécial. Ça s'appelle La Bibliomule de Cordoue. Le résumé est le suivant. Alors, sous les règnes d'Abd al-Rahman III, puis de son fils al-Hakam II, Cordoue, la capitale du califat d'Al-Andalus, est devenue un centre névralgique du savoir, de la science et de la culture. En témoignent les rayonnages de son imposante bibliothèque qui regorge de près d'un demi-million d'ouvrages. Las, suite au décès précoce et suspect de son père, le jeune Hicham II, 11 ans, se trouve propulsé sur le trône en cette année 976. L'un de ses vizirs, Amir, voit en cette situation l'opportunité pour lui de s'emparer du pouvoir. Il s'allie avec les radicaux religieux qui, pour prix de leur soutien, exigent de voir l'ensemble des livres confisqués puis détruits par le feu. Le complot est découvert par Tarid, l'un des bibliothécaires. Poussé par son sens du devoir, il rassemble les traités les plus marquants et, aidé de Lubna, la chef des copistes, les charge sur le dos de la mule de Marwan, l'un de ses anciens élèves. Ce dernier, honteux d'être devenu voleur de grand chemin, était venu se repentir auprès de son maître en lui rapportant le fameux livre des animaux qu'il lui avait dérobé 10 ans plus tôt. Convaincu de complicité avec les deux fuyards, il échappe à la mort et n'a d'autre choix que de se joindre au duo pour qui débute un périlleux périple à travers l'Espagne afin de mettre son précieux chargement en lieu sûr. En plus de la chasse que leur mènent les soldats du vizir, ils devront affronter de nombreux dangers, peu aidés par le capricieux animal. Eh bien, bien qu'ancrée en plein Moyen-Âge, cette fable n'en est pas moins très contemporaine à certains égards. Comme toute fable, elle contient une part de vérité ainsi qu'un enseignement moral. En l'occurrence, il s'agit de mettre en garde contre les méfaits de l'obscurantisme qui ne tolère que ce qui rejoint la seule vérité officielle, entre guillemets bien entendu. Le savoir, c'est le pouvoir. En répandant le premier, on met en danger ceux qui détiennent le second. La chronique, en plus d'intégrer agréablement un fond authentique, alors pour cela, eh bien, il y a de plus amples détails qui concernent le contexte historique, social ou culturel de l'époque, eh bien, il y a une imposante postface documentée en fin donc, de volume. Donc en plus d'intégrer agréablement un fond authentique, la chronique est pleine de rebondissements tragicomiques. En plus de 250 pages, il y avait évidemment moyen d'en caser quelques-uns, mais malgré cette pagination conséquente, on ne ressent pas du tout de lourdeur ou de lenteur dans cette grande vadrouille médiévale où l'on progresse à la lenteur de Baudet surchargé qui plus est. Un magnifique travail a été réalisé pour la présentation. Avec la tranche bleue, le marque-page, le format, les couleurs d'enluminure sur la couverture, etc., etc., le lecteur eh bien, s'imprègne de l'ambiance dès la prise en main. Les couleurs sont chatoyantes, comme le climat, et le dessin épuré et tout en légèreté est expressif et frise sans ostentation avec la caricature. Sans surcharge inutile avec des arrière-plans pour l'essentiel anecdotique, il laisse l'esprit se concentrer sur le sérieux du fond. Le scénario est malgré tout construit avec audace et humour. Il y a de tout, de l'aventure, de la comédie, du dépaysement, qu'il soit temporel ou géographique, de la tragédie, de la morale et même du romantisme. Loubna ne se désole-t-elle pas que Tarid, le seul homme un tant soit peu bienveillant qu'elle connaisse, soit un eunuque, alors que Marwan, de son côté, ne dédaignerait pas passer un peu de bon temps avec elle. Voilà pour... La bibliomule de Cordoue. Donc en conclusion, ben moi ce que je dirais, c'est que malgré son titre étrange, ce livre aborde plusieurs thématiques qui ne sont pas éloignées de certaines situations contemporaines. Sous des airs de légèreté, il invite à une réflexion en profondeur. L'histoire semble par moments se répéter, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras et abandonner la lutte, même si parfois des concessions sont nécessaires. Une belle et donc surprenante découverte qui s'adresse à tous. La bibliomule de Cordoue, c'est de Lupano et Cheminot. C'est sorti chez Dargo déjà au mois de novembre. Il y a 264 pages, donc il y a de quoi faire. Et bien, je vous mettrai la conclusion, ma conclusion que je viens de vous donner sur notre page Facebook, ainsi que la photo de la couverture de l'album. Et puis la fiche de lecture complète sera disponible sur notre site internet www.gq. Comme ça, vous pourrez relire tout à votre aise. Pour l'heure, eh bien, retour à la musique. Qu'est-ce que je vous ai programmé maintenant? Ah bah oui, Brandi Vezina, avec un morceau intitulé « Waiting on a Ring ». Et puis après Brandi Vezina, on retournera sur notre album Powerplay, celui de Brock Davis, A Song Waiting to Be Sung. Tout de suite, Brandi Vezina. Planet Indie. Hi, this is La Catherine, and you're listening to Planet Indie. Bonjour, je m'appelle Casey Batterby de Blue Eyed Sun, et vous écoutez Planet Indie. Black dad, a reason. Voilà, je vous rappelle son nom, c'est Brandi Vezina, elle nous interprétait Waiting on a Ring. Retour pour la troisième et dernière fois vers notre album Powerplay de ce jour, de ce mois, Song Waiting to be Sung de Brock Davis. On comprend donc au titre de l'album, et c'est aussi ce qu'il renseigne sur sa bio, que ces chansons étaient là tout au fond de lui et qu'elles ne demandaient qu'à sortir. Ouais, en quelque sorte, c'est une ritournelle un peu classique chez tous les auteurs-compositeurs, eh bien, qu'elle ne veut pratiquement plus rien dire. Par contre, avec la réalisation de cet album, Brock Davis prend un virage cathartique, expiant en quelque sorte les démons de son passé, mais pour le meilleur. C'est exactement ce qu'il nous dit quand il annonce que, eh bien, écrire, et là je le cite, hein, « écrire et jouer ces nouvelles chansons m'a libéré d'années de colère à cause de mon innocence perdue. » On repense à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du fameux traumatisme qu'il a subi dans sa jeunesse. C'est peut-être ça, mais c'est probablement ça. Et on a rendu donc disponible tellement d'émotions jusque-là enfouies comme la surprise, les surprises et la joie. C'est ainsi que la plupart des chansons, eh bien, elles parlent d'amour, des relations, bien entendu. L'idée générale étant que des cendres et de la destruction émergent la renaissance et que parfois, si on le veut et contre toute attente, l'amour peut ressurgir après la souffrance et la perte. On va écouter un troisième morceau pour ce soir, pour aujourd'hui, un morceau intitulé « All Free ». C'est un morceau qu'il a écrit et composé pendant eh bien, les moments de troubles et de manifestations qui se sont déroulées au cours de ces deux dernières années. Je vais vous mettre aussi sur la page Facebook de Planète Indie. Donc, vous allez dans Facebook, vous tapez Planète Indie. Vous tomberez à la fois sur une page et sur un groupe. Alors dans le groupe, on est à peu près 200 et la page, elle reflète aussi ce qui se dit dans le groupe. Donc vous pouvez avoir accès aux mêmes informations. Je vais vous mettre donc, et puis sur notre compte Twitter aussi, puisqu'on a lancé un compte Twitter, je vais vous mettre une vidéo eh bien, de Brock Davis. Comme ça, vous pourrez même voir ce qu'il en est. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous comme si vous en avez envie, faire part de bien votre ressenti sur la programmation musicale ou autre. Et puis, si vous voudriez voir, par exemple, d'autres artistes passer par ici, donc nous renseigner certains artistes, pourquoi pas. Et même si vous êtes vous-même un artiste, eh bien, on sera bien heureux de vous accueillir dans cette émission. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je devais dire à propos de Brock Davis. Donc, on écoute ce troisième et dernier extrait, un morceau intitulé All Free. Ah oui, non, il y a encore une chose que je devais vous dire, c'est l'adresse de son site internet, c'est pas compliqué, c'est brockdavismusic.com. Brock, ça s'écrit B-R-O-C-K, Davis, D-A-V-I-S, music.com. Et notre site internet à nous, c'est www.ilovemusic.gq. Allez, place à la musique. Power play. Power play. Tell me, brother, will you hear my confession? I've been guilty of being blind and accepting that the way things are is the way that things should be. But there must be change. Gonna start with me. Young men gunned down 'cause of their color. People ground down till they can't get up again. Free, and you'll watch it all go up in flames on your TV. Is that all I'm gonna do? We're not all free. We're not free at all. people? Where's the justice in these prisons? All men are equal, should be more than wishful thinking. And they call this the land of the free. And you watch it all go up in flames on your TV. Is that all you're gonna do? We're not all free. We're not free at all. We're not all free. We're not free at in the sound of laughter, in the hopes we pray. a soul you can trust and who will stay. Reach out, feel my hand. Reach out, feel my hand. Reach out, I'll take your hand. On vient d'écouter un duo composé de Kalinak et KJ, Reach Out. On arrive tout doucement à la fin de la programmation de ce jour. On doit encore aller faire un tour sur la programmation culturelle de l'abbaye de Neumünster. Alors, le 8, donc, ce sera le festival World Music Jalsa Résonance Indienne, enfin festival dit festival, mais c'est plutôt un concert simplement. Le 21 juillet, fête nationale belge, musique pop-rock de Bartleby Delicate. Le 24, ce sera de la musique jazz avec Brigitte Berada's Lucid Dreamers. Et puis le 27 juillet, Rosario La Tremendita. Voilà pour l'abbaye de Neumünster. Bah, à nouveau, comme pour les autres partenaires que sont la Rocale et la Culture Fabrique, plus d'informations et réservations sur le site internet neumünster.lu. On va encore écouter un tout nouveau morceau, c'est Joanna Lilvik, c'est un morceau intitulé « Wolves ». Je vous avoue que je le découvre en même temps que vous, je viens de le recevoir il y a peu. Allez, on l'écoute tout de suite. Voilà, on l'a découvert ensemble, ce nouveau morceau de Joanna Lilvik, un morceau intitulé Wolves. Eh bien, je pense qu'on le réécoutera encore parce que moi, j'ai apprécié. Eh bien, voilà, 18h23, eh bien, on arrive vraiment cette fois-ci au bout de cet épisode numéro 444 de Planète Indie. J'espère que vous avez apprécié la musique, les chroniques et tout ce qui en suit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook ou visiter notre site internet www.ilovemusic.gq. Notre prochain rendez-vous, ce sera le premier samedi du mois d'août. Ce sera donc le 6 août. Et puis la prochaine émission en français sur les ondes de RGL, ce sera samedi prochain. Vous pourrez aussi retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet dès très bientôt, donc dès ce soir ou demain matin au plus tard. Que vous dire de plus, je ne sais plus, j'avais quelque chose à vous signaler en plus, mais ça vient de me sortir aussi vite de la tête, donc c'est pas grave. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission et la programmation donc sur notre site internet aussi. J'étais très heureux de passer ce 444e épisode de Planète Indie en votre compagnie. Je vous souhaite de bonnes vacances, si vous les prenez au mois de juillet. Si c'est au mois d'août comme moi, on faudra patienter un petit peu. D'ici là, une bonne fin de week-end, portez-vous bien. Et on va se quitter avec un dernier morceau de Marco R. Wagner, In the Middle of the Night. Allez, à très bientôt, portez-vous bien et rendez-vous donc le 6 août pour l'épisode numéro 445 de Planète Indie. À bientôt. In the middle of the night.